Chapitre 4 Du cœur. L'amour naît brusquement, sans autre réflexion, par tempérament, par faiblesse. Un trait de beauté nous fixe, nous détermine. L'amitié, au contraire, se forme peu à peu, avec le temps, par la pratique, par un long commerce. Combien d'esprit, de bonté de cœur, d'attachement, de service et de complaisance dans les amis, pour faire en plusieurs années, bien moins que ne fait quelquefois en un moment, un beau visage. Ou une belle main. Le temps, qui fortifie les amitiés, affaiblit l'amour. Tant que l'amour dure, il subsiste de soi-même, et quelquefois, par les choses qui semblent devoir éteindre, par les caprices, par les rigueurs, par l'éloignement, par la jalousie. L'amitié, au contraire, a besoin de secours. Elle périt, faute de soins, de confiance et de complaisance. Il est plus ordinaire de voir un amour extrême qu'une parfaite amitié. L'amour et l'amitié s'excluent l'un l'autre. Les froideurs et les relâchements dans l'amitié ont leur cause. En amour, il n'y a guère d'autre raison de ne s'aimer plus que de s'être trop aimé. Les choses les plus souhaitées n'arrivent point, ou si elles arrivent, ce n'est ni dans le temps, ni dans les circonstances où elles auraient fait un extrême plaisir. Il faut rire avant que d'être heureux, de peur de mourir sans avoir ri. La vie est courte, si elle ne mérite ce nom que lorsqu'elle est agréable, puisque, si l'on cousait ensemble toutes les heures que l'on passe avec ce qui plaît, l'on ferait à peine, d'un grand nombre d'années, une vie de quelques mois. Pour gouverner quelqu'un, longtemps et absolument, il faut avoir la main légère et ne lui faire sentir que le moins qu'il se peut sa dépendance. Un homme sage ni ne se laisse gouverner, ni ne cherche à gouverner les autres. Il veut que la raison gouverne seule et toujours.